الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. On va parler des comportements du jeûneur qui sont obligatoires et qui sont surrogatoires qu'il est préférable de faire. On va parler avec ce cours-là, Inch'Allah. Hukm Iyam Ramadan. La règle sur la prière de Ramadan, du mois de Ramadan. Et Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré des ibadats qui sont obligatoires et des ibadats qui sont surérogatoires. Il faut savoir une chose, c'est que les surérogatoires viennent compléter les manquements qui sont dans les obligatoires. Salat al-Fajr, pour marquer les manquements que tu aurais pu avoir dans Salat al-Fajr, tu as les deux rakat qui sont avant. كذلك لصلاة الظهر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة العصر قال بعض العلماء ركعتان بعد العصر وقال بعضهم خص على النبي عليه الصلاة والسلام كذلك لصيام للزكاة pour prier. On a vu qu'il y a des prières obligatoires qui sont là pour rattraper les manquements dans les prières obligatoires. Il en est de même pour Az-Zakat. La Zakat, celui qui remplit les conditions, il la donne. Et s'il a eu des manquements là-dedans, il donne quoi? As-Sadaqat. Il donne les aumônes. Les aumônes sont là aussi pour rattraper les manquements qu'il aurait pu avoir dans Az-Zakat. Kadhalik l'Isyam. Shahr Ramadan, wajib. Et on sait qu'il y a des jeûnes qui sont surérogatoires. Comme le lundi, le jeudi 13, 14, 15 des mois lunaires, Arafa, Ashura et Siyam Daoud, le jeûne de Daoud, alayhi salatu wassalam, qui est un jour sur deux. Ces jeûnes-là sont surérogatoires pour rattraper des manquements qu'il y aurait pu avoir, comme les six jours de Shawwal, les six jours de Shawwal Bada Ramadan, qui eux aussi peuvent être une compensation des manquements que tu aurais pu avoir dans tes jeûnes durant le mois de Ramadan. وكذلك للحج في العمرة, tu peux rattraper aussi des manquements. On voit bien que il n'est pas permis de rendre à Allah tabaraka wa ta'ala une adoration qui contient un manquement. Je te dois de parfaire cette ibadah comme on en a parlé au début. Pour rattraper ces cinq prières obligatoires, on a dit qu'il y a les prières rawatib, les prières que l'on connaît avant ou après certaines prières obligatoires. Et il y a aussi qiyam al-layl. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. La meilleure prière après la prière obligatoire, c'est la prière de la nuit. رواه مسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. Fatwa mentionne, oh vous les gens, passez-vous le salam, multipliez, passez-vous le salam entre vous, nourrissez le pauvre, gardez les liens de parenté, priez la nuit alors que les gens dorment, vous rentrerez au paradis. Les salam. Ma'ana as-salam. As-salam. Idha taqul as-salam, awwalan as-salam min asma illahi azza wa jal. As-salam est l'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le sens où Allah tabaraka wa ta'ala, as-salam, dans le sens où il est dénué d'imperfection. Il est dénué d'imperfection. de manquement. Allah subhanahu wa ta'ala. هذه المعنى السلام. وإذا تقول لأخيك السلام عليكم. إيش المعنى؟ C'est quoi le معنى quand tu dis à quelqu'un السلام عليكم؟ Pas la traduction qu'on connaît depuis qu'on nous apprend que la paix soit avec vous. Ça c'est trop faible. Vous dites pas salam alaykoum à vos frères? Ah, ça veut dire quoi? Vous dites des choses que vous comprenez pas? Baraka. Baraka? Baraka. La afi amin. Méchant. T'as mal compris. Presque. Et là, on a dit Assalam. Si on sait que Assalam, le nom d'Allah, Assalam. Assalam, ça montre qu'Allah il est dénué de toute imperfection. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu vas le dire sur ton frère? Assalamu alaik. Que la perfection soit sur toi. Dans ce sens-là. Lorsque tu dis, assalamu alaikum. Hadith du'a. تسأل الله تبارك وتعالى tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala quand tu dis assalamu alaik c'est une dua tu es en train de demander à Allah subhanahu wa ta'ala que le frère à qui tu dis assalamu alaik ou assalamu alaikum qu'il n'ait aucun manquement ni dans sa foi ni dans sa akhida ni dans sa religion ni dans sa famille ni dans ses biens ni dans il a khir هذا المعنى السلام عليكم comme auprès d'Allah assalam Le nom d'Allah, As-Salam, tu es en train de dire que Allah il est dénué de tout manquement. Lorsque tu dis As-Salamu alaykum, tu es en train de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si tu disais à ton frère, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que tu sois dénué de tout manquement. Aussi bien dans toi-même, que dans ta famille, que dans ta religion, que dans tes biens, que dans tes affaires de la dunya et autre chose. Donc vous voyez, le sens il est ba'id. Et celui qui n'a pas l'arabe passe à côté d'un grand bienfait. Cette parole, vous la retrouverez dans un dars de Shir ibn al-Athimin, où, subhanallah, lorsqu'il est arrivé pour faire ce cours, il devait parler sur Surat Khaf, il devait faire tafsir. Et il a dit, j'ai vu des choses en arrivant, donc je vais vous parler du salam. Wa ahkamuhu wal musafaha. Et, alhamdoulilah, il ramène cette faïda dès le début. Et c'est là que tu vois que l'ulama, il pense tout de suite à Allah, subhanallah, tawhid. C'est avant d'expliquer le salam entre les gens avant, non. As-salam awwala min asma'illah. Tout de suite, Assalam, c'est l'un des noms d'Allah. Il commence par Allah. Après, il t'explique les règles sur Assalam. Donc, passez-vous le salam entre vous, nourrissez le pauvre, gardez les liens de parenté, priez la nuit, sallu bil-layl wa nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam, vous rentrerez au paradis, yani, en paix, tranquillement. Salatul layl, Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, salat tarawih, on expliquera le sens pourquoi elle s'appelle tarawih. Certains y viennent, ça y est, ils ont entendu un qaul, ça y est, ils s'amusent à le propager sans vérifier, ou ils restent fermés dans leur enclos. Alhamdulillah, l'ilm, c'est très vaste. On l'a entendu déjà, oui, il ne faut pas dire tarawih parce que c'est une bid'a, donc. Tayyib, Allah yahdika. Salat al-Layl, le prophète sallam, il le faisait au début avec ses compagnons. Il faut savoir qu'à partir du troisième jour, il n'est pas venu. Les sahabas sont partis voir le prophète sallam, ils ont vu que ce n'est pas normal qu'il ne soit pas là. Là, il a mentionné, il leur a dit, il a fait cette coupure en vérité pour qu'ils ne considèrent pas que Salat al-Tarawih, c'est wajib, c'est fard. C'est une sunna muakkada. C'est une sunna fortement recommandée. Elle est entre le mustahab et le wajib. Muakkada. Fortement recommandée. Jusqu'à ce que le sahaba, radiallahu anhu, voyait que ceux du mentaraka salat tarawih, munafiq. Il considérait que celui qui ne fait pas salat tarawih, il se disait, celui-là, ça doit être un munafiq. Il n'y a qu'un munafiq pour ne pas prier tarawih. Il n'y a qu'un hypocrite pour ne pas prier tarawih. À leur époque. le plus petit nombre de rak'at dans le witr, c'est une arba. Dans la nuit, celui qui veut prier la nuit, le plus petit nombre, c'est quoi? C'est le witr. C'est une. Une rak'at. Et cela va jusqu'à 11 rak'at ou 13 rak'at selon les riwayats. Certains disent plus. Certains ulama mentionnent plus. On peut même dépasser, car ils considèrent que, étant donné que ce sont des nawafil, ce sont des prières surérogatoires, que la porte est ouverte. Celui qui veut faire plus encore, il fait plus. On en reviendra une fois. Et le prophète a mentionné dans le hadith, celui qui veut faire, qui veut prier la nuit, qu'il fasse celui qui veut prier la nuit, une seule arqa, falyafhal. Qu'il le fasse. Celui qui veut faire une arqa, il peut prier une arqa. Celui qui veut faire trois, qu'il le fasse. On trouve plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce sujet. Et Omar ibn Khattab, comme l'a rapporté l'imam Tahawi, rahimahullah, faisait son witr de trois rak'at sans les couper. C'est-à-dire, il ne faisait pas deux, salam, salam, et il se relevait pour la dernière. Non. Il faisait les trois, sans tachéhout. Sinon, cela ressemblerait au maghrib. Et cela n'est pas permis. Hein? Donc, celui qui veut faire le witr en trois rak'at, il peut le faire en trois d'un coup s'il veut. Ou il fait deux rak'at et il fait salam salam, et il se relève pour la dernière. Ou bien, il fait trois rak'at d'un coup. Après le deuxième sujoud, il se lève. Après le deuxième sujoud, il se relève. Il ne fait pas de tashahoud. Il finit la troisième rak'at, salam salam. C'est ce qu'a fait Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Ou bien, tu peux faire cinq rak'at d'un coup. Tu peux faire cinq rak'at d'un coup. Tout ça, c'est ce qu'on fait à salaf ou salaf. Tu peux faire 5 rak'at d'un coup. Comme les 3 de Omar ibn Khattab, toi tu peux faire 5 d'un coup. Sans jami'an la yajlis wa la yusallim. Donc il ne s'assoit pour tashahoud, ni il ne fait le salam après 2 rak'at, il fait les 5 d'un coup. 1, 2, 3, 4, 5. Seulement à la fin, il fait son tashahoud, salam, salam. Pourquoi? Parce que le prophète a mentionné, comme le hadith qu'on a mentionné avec 1, avec 3, il y a le même hadith avec 5. Celui qui veut faire le witr avec 5, falyafhal. Qu'il le fasse. Taïf, rawa Abu Dawud wa Nasa'i. Aisha, radiallahu anha, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana nabiyu alayhi salatu wa sallam, yusalli fil layl, min al layl, 13 rak'a. Il priait 13 rak'a. Et elle dit qu'il faisait 5, les 5 dernières, parmi ces 13, les 5 dernières, il ne s'asseyait pas. Il faisait les 5 d'un coup, dans les 13 rak'at. Vous allez voir qu'en vérité, c'est malherbe, comme on dit. En fait, il y a plusieurs manières de pouvoir prier le qiyam al-layl, la prière de la nuit. Mais comme Shir va arriver après, ça s'adresse surtout à ceux qui prient chez eux. Il est demandé aux imams dans les mosquées de faire ce que les gens connaissent le mieux et ce qui repose le plus les gens, d'arkat salam, d'arkat salam. Pourquoi? Parce qu'il y a des faibles, il y a des gens, des femmes enceintes, il y a des gens malades, il y a des personnes âgées, etc. etc. Donc il est demandé aux imams des mosquées de toujours penser à ceux qui sont derrière eux. Celui-là qui veut faire beaucoup longtemps, ou il s'arrange avec les gens de la mosquée, et c'est bon, c'est arrangé entre eux, il n'y a aucun problème, comme ça il n'y a pas de fitna, ou bien il fait ça chez lui. C'est tout. Il est aussi rapporté, selon Umm Salma, radiallahu anha, que le prophète, alayhi salatu wassalam, faisait 7 et 5. Faisait 7 et 5. Et il ne faisait ni le salam, rien d'autre. 7 et 5. Il est rapporté aussi selon Aïcha, dans un autre hadith, que le prophète sallam priait 7 rak'at, wa la yajlisu fiha, et il ne s'asseyait pas, sauf à la 8e. Puis il yadhkur Allah ila akhiri, yani at-tashahhud, puis il terminait. Donc en fait, il y a beaucoup de formules à faire pour le qiyam al-layl. Ce qui est le plus connu dans la sunna du prophète sallam, c'est comme a dit Aïcha radhiyallahu anha, c'est que le prophète sallam a dit fi ramadan wa fi ghayri ramadan, dans le ramadan et en dehors du ramadan, elle dit qu'il n'a jamais prié plus que 11. Ibn Abbas ramène une version avec 13. Donc certains mashaïkh considèrent que on ne peut dépasser le nombre 11 ou 13 comme le prophète sallam l'a fait. Certains savants disent qu'on peut faire plus, car il a rapporté selon certains compagnons qu'ils auraient fait 30 et quelques, 40 et quelques, 50 et quelques. Le Cheikh Al-Albani rahimahullah considère que toutes ces riwayats, après étude de ces riwayats, de ces, toutes les chaînes de transmission concernant ces compagnons-là, que les chaînes de transmission ne sont pas bonnes. Donc ce qui est rapporté sur plus que 11 et 13 n'est pas authentifié selon les chaînes de transmission. Non pas, on ne parle pas d'un compagnon qui aurait fait ça. On sait très bien qu'ils en sont capables, c'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais la chaîne de transmission n'est pas valable, elle n'est pas bonne, donc on ne peut argumenter par une chose dont la chaîne de transmission n'est pas correcte. Wa qala an-nabi alayhi salatu wassalam man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi. Rawi al-Bukhari wa Muslim. Celui qui prie le mois de Ramadan en ayant foi et en espérant, il lui sera pardonné ses péchés. Imanan wa ihtisaban. Imanan billahi azza wa jal wa bil yawm al-akhir. Celui qui a foi en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier, il sait qu'il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il fait ce qiyam Ramadan, Tarawih. Il fait cette prière en groupe avec les gens de la mosquée. S'il n'a pas pu ou il a eu un empêchement, il le fait au moins chez lui. Il peut le faire chez lui. Il n'y a pas de mal. Ou il peut le faire avec son épouse ou sa famille. Il n'y a aucun mal là-dessus. Sachant que le mieux, c'est à la mosquée avec les musulmans derrière l'imam. Ihtisaban, dans le fait d'espérer tout simplement quoi? La récompense d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu pries salat tarawih avec deux intentions. Une pour Allah, subhanahu wa ta'ala, que tu vas le rencontrer, que tu crois en lui. Et deuxièmement, que tu espères la récompense d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'Allah azza wa jal va te donner la récompense. At-tarawih, al-istiraha. Pourquoi on appelle ça salat tarawih? C'est l'istiraha, dans le fait de arraha, le fait de se reposer. Pourquoi? Parce qu'après darakat, on marque un moment de une pause, dans laquelle on se repose. Darakat, une pause. Darakat, une pause. Darakat, une pause. Darakat, une pause. Dans certaines mosquées, on trouve les gens qui font 4 arkat, et là, tac, on arrête tout, et on fait un discours, un dars. C'est pas un moment pour dars. Le dars lui est fait avant ou après. Il n'a pas été connu chez les pieux prédécesseurs, chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis, voire même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi il aurait coupé Tarawih pour faire un dars. Cela est faisable s'il y a une nécessité. C'est-à-dire que l'imam voit qu'il y a des choses qui vont pas dans les rangs. Ou bien il voit des choses chez les gens qui prient derrière lui durant cette prière de Tarawih, il voit des choses qui ne vont pas. Par exemple, les rangs ne sont pas alignés, ou que quelqu'un il est fatigué, alors des dorakats, il ne veut pas les faire et il reste dans le rang. Et dans ce cas-là, il coupe le rang, il casse le rang. Et cela n'est pas correct. Yaqul al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man fata'a saf, fata'a Allah. Celui qui brise un rang, Allah le brise. Subhanallah al-Azim. Celui qui ne veut pas prier, il est fatigué, il n'y a pas de problème. Ça se comprend. C'est difficile, quelquefois c'est long. Mais qu'il ne reste pas dans le rang. Il va derrière. Il se repose derrière. Mais qu'il ne coupe pas un rang. Il prend une place que quelqu'un qui prie mériterait cette place. Qui mérite plus la place? Celui qui prie pas ou celui qui prie? Celui qui prie, subhanallah. L'un des défauts que l'on voit aussi dans Salat al-Tarawih, quand quelqu'un il laisse la place, on voit la personne qui lui dit tiens vas-y, vas-y. Et l'autre il dit non, vas-y. Wallahi ya akhi, nafsi nafsi. C'est chacun pour soi. Prends la place, tu demandes à personne et tu y vas. Le meilleur rang, c'est le premier, puis ensuite le deuxième et le troisième, etc. Prends la place. Tout ce qui est les choses de l'au-delà, c'est nefsi, nefsi. C'est chacun pour soi. Alors prends directement la place. N'attends pas de toutes ces courtoisies qu'on voit. Non. Prends ton rang directement. Le rang, il est libre devant toi, prends-le. Tu le prends direct. On voit d'autres qui sont malades, c'est vrai. Mais il faut savoir une chose, le malade, tant qu'il peut rester debout, il reste debout. S'il ne peut pas directement, c'est clair et net, il ne peut pas prier debout. Là, il n'y a pas de problème, il s'assoit. En général, les gens prennent une chaise. La sunna pour quelqu'un qui prie assis, c'est en tailleur. C'est rapporté dans la sunna du prophète sallam que celui qui prie assis, qu'il prie en tailleur. Qu'il prie en tailleur. Bien sûr, s'il peut. S'il n'est pas assez soutenu, il prie comme il peut. S'il prend une chaise, il n'y a pas de mal à ça. Seulement, il met la chaise, il aligne ses pieds avec les pieds des autres. Avec les pieds des autres. Le mieux, c'est qu'il prenne les extrémités des rangs. Comme ça, il ne gênera personne, Inch'Allah. Mais tant qu'il peut rester debout, il reste debout. C'est pas ça, il est parce qu'il est malade tout de suite. Bien sûr, c'est le malade lui-même qui sait. C'est toi qui vas le savoir. Est-ce que tu as la capacité de rester debout ou pas? Or, on trouve certains malades, on leur a dit, toi t'es malade, tu t'assois. Non, mais je peux rester un peu debout. Non, mais assieds-toi, assieds-toi. Non. Tant qu'il peut rester debout, il reste debout. S'il ne peut plus, alors il s'assoit. Alors, il s'assoit. S'il ne peut pas faire recours à la soujoute parce qu'il est malade, qu'il fasse son recours penché, qu'il revienne, Sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd, et qu'il se penche plus pour le soujoute. Il faut qu'il y ait cette distinction entre le recours et le soujoute. Il faut faire cette distinction. Le repos, il se baisse un peu, pas complètement. Il remonte, Sami Allahu liman hamida. Pour le soujoud, étant donné qu'il prie assis, il se baisse le plus possible. Et ne t'est pas demandé de te casser le dos, de te faire mal ou quoi que ce soit. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Wa taqullaha ma istata'tu. Craignez Allah comme vous pouvez. Et Allah ne cherche pas une âme de ce qu'elle ne peut supporter. Que les rangs soient alignés. Il faut que les rangs soient alignés. Et ça, subhanallah, c'est le mas'oul ou l'imam. C'est l'imam qui est responsable de ça. C'est à lui de regarder les rangs. Beaucoup, on trouve de tout. On trouve celui qui dit alors que les rangs sont déjà alignés. Comme il dit, il ne sert à rien de dire aux gens de s'aligner s'ils sont déjà alignés. Et on trouve le contraire. Les rangs ne sont même pas faits. Allahu Akbar. Être le fessala. Il ne faut pas qu'il oublie que c'est lui qui est responsable des rangs. Sa prière est la prière des autres. Quand toi tu te trompes derrière lui-même, tu n'as rien à faire. Pourquoi? Parce que ta prière c'est celle de lui-même. Lui-même il prie sans les ablutions. Il s'en souvient qu'après, toi ta prière elle est bonne. Sauf si tu savais qu'il n'avait pas les ablutions. Mais ta prière à toi elle est bonne, personne n'a à refaire sauf lui. Ta prière, la prière de lui-même représente la prière des gens. Donc c'est à lui de regarder les rangs. Bien sûr qu'il faut les rangs, et la mosquée est grande, il ne peut pas faire tous les rangs. Il vérifie au moins les premiers rangs, puis il demande à quelqu'un qu'il vérifie, ou que chacun vérifie un rang. Chacun vérifie un rang. Aligner les rangs, c'est quoi? C'est aligner les chevilles. Pourquoi les chevilles? Al-Ka'b ou bin Al-Ka'b. Les chevilles avec la cheville de ton voisin. Les aligner. Les coller, pas forcément. Pourquoi? Parce que tout le monde n'arrive pas. Tout le monde n'est pas fait de la même manière. On n'a pas tous les mêmes pieds. Certains n'arrivent pas à coller les chevilles avec la cheville du voisin. Ça, c'est ce qui est le mieux. Mais au minimum, si tu n'arrives pas à coller la cheville avec celle du voisin, au moins aligner les chevilles. Pourquoi est-ce qu'on dit les chevilles? Parce que c'est l'axe du corps. Avec les épaules. Si tu trouves l'axe du corps, tu rassembles la cheville avec l'épaule. Elle représente l'axe de ton corps. Si on aligne le bout des pieds comme certains le font, est-ce qu'on va être aligné? Non. L'autre il fait du 36, l'autre il fait du 46. Si on aligne le bout des pieds, on sera aligné. Devant les pieds vont être alignés. Mais si on regarde l'axe du corps, non. Le prophète Sassam, il regardait comme ça. Il se mettait au bout du rang et il regardait les poitrines si elles étaient alignées. Si tu alignes les pieds, tu verras que les poitrines ne sont pas alignées, étant donné que l'autre il a des grands pieds, l'autre il a des petits pieds. Si tu te mets au bout du rang, tu vas voir un, il est comme ça. L'autre, la tête de la poitrine, elle dépasse là. L'autre, elle dépasse là. L'autre, il est là. L'autre, il... Pourquoi? Parce que la longueur des pieds n'est pas la même. Alors que l'axe des chevilles, c'est l'axe du corps. Si tu fais ça, toutes les poitrines formeront le même rang. Il n'y aura rien qui dépasse ça, Inch'Allah. Donc on se doit de former les rangs comme il se doit. Yikhoul il Nabi alayhi salatu wasalam, beaucoup négligent ça, alors que subhanallah, elle a une conséquence fil quloub. Wala tartalifu fa tartalifa quloubukum. Yikhoul il Nabi alayhi salatu wasalam. Ne divergez pas dans vos rangs, donc physiquement, alignez-vous bien. Sinon quoi? Qu'est-ce qui va diverger? Vos cœurs, subhanallah. Sinon vos cœurs vont diverger. Ajib. L'extérieur a une conséquence sur l'intérieur. Tu n'animes pas les rangs, cela va ramener la divergence dans vos cœurs, entre vous. Wal-aqs bil-aqs. Vous alignez vos rangs, vos cœurs, Inch'Allah, seront sur la même droiture, sur la même voie. Et comment c'est négligé cette chose-là? Tu le regardes. La majorité des gens n'applique pas cette sunna. Voilà pourquoi il y a tant de dissensions et de divisions. L'une des causes de ça, c'est ça. Une chose simple à faire, subhanallah. Aligner les rangs. Te coller à ton voisin. Si l'imam est à gauche, va vers la gauche. Si l'imam est à ta droite, va vers la droite. Il est l'axe des rangs. L'imam est l'axe des rangs. S'il est à ta gauche, on trouve certains qui font une erreur. Il faut que je mette par rapport à vous. Si l'imam il est là, toi tu es là. D'accord? Et entre ton voisin de gauche et ton voisin qui est là, il y a un espace. Ne va pas combler l'espace vers le mur, mais va vers l'imam. On se doit de boucher les trous qui vont vers l'imam. Il est l'axe des groupes. C'est lui l'axe des groupes. Si tu arrives, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place du tout. Tu as le droit, mais ça, il faudra que l'imam l'explique d'avant parce que la majorité ne le savent pas. Et ceux qui ne le savent pas risquent de faire une fitna dans la mosquée. Tu as le droit de rentrer, de te mettre à côté de l'imam, à sa droite, et de prier à côté de lui. Cela est permis lorsqu'il n'y a plus aucune place. Seulement l'imam devra expliquer cette chose-là, de peur qu'il y ait la fitna dans la mosquée. Car ce n'est pas tout le monde qui connaît les règles. Et l'imam se doit de gérer ce genre de mésentente. On trouve des imams qui n'expliquent rien. Oui, il regarde celui-là qui fait le fitna, il dit « Khair, Inch'Allah ». Là, il n'y a pas de rire. Il faut lui expliquer, tranquillement et gentiment. Et il en est de même pour celui qui crie dans la mosquée. Celui qui crie dans la mosquée qui nous fait toute une histoire pour rien du tout. Il se doit d'abord de demander l'il mas'oul, au responsable de la mosquée. De dire, voilà, shir, salam alaykoum, j'ai vu telle chose dans ma mosquée. Est-ce que cette chose-là, il a fait ça, ça, ça? Est-ce que c'est correct ou pas? Et non pas de se lever et de crier et de faire la fitna dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, si tu étais chez un président ou un roi, tu n'oserais même pas te lever pour dire ce que tu vois. Kayfa fi baytillahi azza wa jal? Man huwa rabbul alamin? Allah azza wa jal. Man huwa maliki yawmiddin? Allah subhanahu wa ta'ala. Avec certaines créatures, tu oses faire des choses. Tu n'oses pas faire certaines choses. Et avec celui qui les a créées et qui est plus puissant qu'eux, tu te permets de faire des choses. Fi baytin. Min buyuti Allah azza wa jal, dans une des maisons d'Allah, al-masjid ou baytullah, subhanahu wa ta'ala. La mosquée elle est sacrée, elle est la maison d'Allah. On se rappelle Allah, on y prie, on y jeûne, on lit le Coran, les hadiths, on se recommande le bien, on s'interdit le blâmable, et tout ça, ça a des règles. Il ne faut pas oublier qu'Allah azza wa jal y a mis un responsable. Dans chaque mosquée, il y a un responsable. Wa kullukum ra'in. Vous êtes tous bergers de votre troupeau. Et lui-même sera questionné sur tout ce qui s'est passé dans sa mosquée. Il y a eu ça dans ta mosquée, pourquoi tu n'as rien dit? Il y a eu du shirk, il y a eu le bid'a, il y a eu... Naam, shirk billah, fi le masajid. T'as dit, qu'est-ce que shirk billah, fi le masajid, subhanallah. Wallahi, je connais un frère, vous le connaissez, puisqu'il est avec moi dans la mosquée, il fait le Jumu'ah aussi. Une fois fils soujoud, il a entendu la personne à côté de lui, fils soujoud, dire « Ya Abd Qadir ». يدعو غير الله عز وجل في السجود في بيت الله سبحانه وتعالى. أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. يقول لله عز وجل. Dans le sujoud, si tu regardes comme ça, tu dis, Mashallah, fais la prière. Dans son sujoud, son invocation va vers un autre qu'Allah. Ajib. Ash-shirku fil qalb. Toi, tu regardes comme ça. Anta fi baytillahi azza wa jal. Subhanallah. Tushirku billahi subhanahu wa ta'ala fi baytillah. Une autre fois, dans une mosquée, les frères ont trouvé un talisman. Sih. Sous la moquette. Le frère Miskin, il a vu une petite bosse comme ça, il s'est dit, il y a une montre, ou là, je ne sais pas ce qu'il y a. Il a enlevé un talisman, avec des gribouilles, avec des soi-disant des noms d'Allah, tout ça, c'est juste pour t'enfumer. Pour te mettre la poudre aux yeux comme ça, pour te faire croire que c'est le haq. Naam. L'imam est responsable de sa mosquée. Il lui sera demandé des comptes, yom l'qiyama, sur sa mosquée. Donc il se doit de faire en sorte que les rangs soient bien alignés. Donc cette sunna, Mouakkada, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prié, puis ensuite il l'a arrêté, car il a peur que sa umma considère que c'est une obligation religieuse. Et donc le prophète a prié tout seul au début, puis des gens sont venus prier derrière lui, et d'autres gens, ça s'est fait comme ça. Jusqu'à ce que cette sunna a disparu. Elle est revenue sous le règne de Omar ibn Khattab. Et certains utilisent cette parole qu'il a sortie à ce moment-là pour dire que la bid'a, elle est autorisée. Il a dit, hadhihi al-bid'a, ni'ma hadhihi al-bid'a. Il a dit, c'est un bienfait, cette innovation, cette nouveauté. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il a eu l'idée de regrouper les gens comme au temps du prophète. Il a fait revivre cette sunna. De les regrouper derrière un imam. Alors, où tu dis que la bid'a, elle est bonne, et tu dis que Omar ibn Khattab, c'est un muftadir. Qu'il a innové. Tu crois que Omar ibn Khattab ne connaît pas le hadith du prophète qui dit Inna kulla bid'atin dhalala, kulla dhalatin finnar. Bien sûr qu'il le connaît. Lorsqu'il a dit Ni'ma hadhihi al-bid'a, yani ni'ma fil lugha. Al-bid'a bin ni'ma fil lugha. Yani cette nouveauté dans le sens linguistique et non pas dans le sens fi shari'a. Omar ibn Khattab, tu vas pas lui apprendre c'est quoi une bid'a. Il est très strict dans les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète a dit sur lui, Arhamu rahimin fi ummati Abu Bakr as-Siddiq. Wa shaddu minhum fi dinillah Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Il a dit le plus miséricordieux des miséricordieux dans ma communauté c'est qui? C'est Abu Bakr. Mais le plus dur dans la religion d'Allah, le plus strict dans les règles, c'est Omar ibn Khattab. Donc ne dis pas qu'Omar ibn Khattab il aurait pu innover dans la religion d'Allah. Lorsqu'il a sorti le mot bid'a ici, c'est fil l'ura. C'est quoi dans le l'ura une bid'a? Dans fil shari'a, fil istilah, c'est quoi? C'est, tu dis que ça c'est une ibada, alors qu'elle n'a aucune preuve, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Allah Azza wa Jal ne t'a jamais demandé de l'adorer par cette chose-là. Or toi tu ramènes cette chose-là. Ce qui est une insulte à Allah et à son prophète, et à sa religion. Parce que tu es en train de dire que la religion n'est pas parfaite tant que tu n'adores pas Allah par cette chose-là. Comme il a dit l'imam Ahmed, rahimallah, à un grand mubtadir qui était devant lui. Il lui a dit quoi? Il a dit, il y a deux choses. Ou le prophète, il n'en a jamais parlé, et toi on se demande comment tu le sais. Hein? Ou bien le prophète, il en a parlé, et tu vas me ramener le hadith. Seulement, il a qui devant lui? L'imam Ahmed ibn Hanbal, qui connaît plus d'un million d'ahadiths. Il a fait apprendre à son fils 50 000 ahadiths au début. Son fils est revenu, a dit ça, je les ai appris. Il a dit d'accord, tout ce que tu viens d'apprendre, c'est da'if ou bien inventé. Maintenant, tu vas apprendre le sahih. Il ne suffit pas de connaître le haq, il faut connaître le haq. Pour connaître le haq, il faut connaître son contraire. Pour connaître le tawhid, il faut connaître le shirk. Naam. Pour connaître la joie, il faut connaître la tristesse. Pour connaître le bonheur de boire, il faut connaître la soif. Pour connaître le bonheur de manger, il faut connaître la faim. إلى آخره. Donc Omar ibn Khattab a décidé de réunir tout le monde derrière un même imam, comme ça s'est fait au temps du prophète. Mais cette sunna a été perdue, elle a été revivifiée. Le prophète mentionne tous les 100 ans, il y a un homme de la communauté qui fait revivre la sunna du prophète. En ce qui concerne le nombre de rak'at, c'est là que la divergence est arrivée entre savants. Selon les pieux prédécesseurs, il est rapporté, comme je l'ai dit tout à l'heure, certaines chaînes rapportent comme quoi il y aurait un qui aurait fait 41 rak'at, d'autres 39 rak'at, d'autres 29, d'autres 13, d'autres, et ça continue comme ça. Mais comme on a dit, Aïcha radiallahu anha, et c'est ce qui est le mieux pour celui qui veut imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il priait 11 rak'at. Fait Ramadan, et même en dehors du Ramadan, il ne rajoutait pas à cela. Selon Ibn Abbas, 13 rak'at. Les deux ahadiths sont rapportés fis Sahih al-Bukhari. Donc ils sont authentifiés comme étant sûrs. Et il faut savoir que Omar ibn Khattab radiallahu anha, demander aux gens de prier 11 rak'at, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sous son khalifa, il demandait aux gens de prier 11 rak'at, comme au temps du prophète alayhi salat wa sallam. Bien sûr, comme on a dit, certains ulama ne considèrent pas qu'il faut dépasser 11 ou 13. Ils se basent sur ces hadiths-là, et comme Cheikh Al-Albani, Kibar al-Muhaddithin, après avoir étudié les chaînes de transmission, il mentionne que toutes ces riwayats qui marquent de 40, 50, 30, elles sont da'ifa. Les chaînes de transmission ne sont pas assez solides pour qu'on puisse les prendre en considération. D'autres ulama disent tout simplement que salat tarawih nawafil. C'est des nawafil. Et donc la porte est ouverte. Celui qui veut prier plus, il prie plus. Mais même celui qui te dit de prier, celui que tu veux prier plus, tu pries plus, ils te disent que le mieux reste la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'a fait le prophète est mieux. Et on sait ce qu'il a fait, c'est 11 ou 13. Maintenant, si tu es de l'avis qu'on ne prie pas plus que 11 ou 13, et c'est ton avis et c'est ton libre choix. Si tu es convaincu par les arguments du savant, il n'y a pas de problème. Demandez aux gens, aux savants, aux gens du rappel, si vous ne savez pas. Après avoir vu, tu les considères qu'on ne dépasse pas 11 ou 13. Mais l'imam prie plus que 11 ou 13. Plus que 11 ou 13. Certains considèrent que tu suis l'imam jusqu'au bout. Certains considèrent que tu suis l'imam jusqu'au bout. Et ce qu'il a fait en plus, c'est pas pour toi, c'est pour lui. Si toi que tu considères que c'est une innovation, que ça ne se fait pas prier 11 ou 13, il considère que le reste, ce qui dépasse les 11, c'est pas pour toi, ce sera pour l'imam. Toi, ça ne te regarde pas. D'autres mentionnent, tu sors. Tu sors à la dixième et tu fais le witr tout seul. Si tu considères que tu fais plus que 11 ou 13, ou bien l'imam il fait 13 ou 11, mais toi tu veux faire plus encore chez toi, tu veux après prier encore la nuit. Ça, comme il dit Ibn al-Azimin, rahimallah, cheikh, il dit, tu fais le witr avec l'imam, lorsqu'il va finir la dernière, la 11e ou la 13e, hein, ou bien la dernière, tout simplement, ça se trouve il en fait 21, mais toi tu veux encore prier chez toi, tu pries le witr avec l'imam. Mais lorsque l'imam il va dire salam alaykum wa rahmatullah, salam alaykum wa rahmatullah, tu te lèves et tu complètes avec une raka. Pourquoi? Parce que pour conclure les prières de la nuit, il faut conclure par al-witr, par une impair. Donc tu te lèves à ce moment-là, quand l'imam a terminé, tu complètes avec une raka en plus, comme ça tu as toujours tes paires, 2, 2, 2, 2, 2. Quand tu vas aller prier chez toi, tu termineras ton qiyam al-layl avec al-witr, qui est la dernière raka. Vous avez compris? Oui. Donc voilà ce qui est demandé. Le adhan, c'est maintenant. En ce qui concerne les rangs, le meilleur rang reste le premier. Seulement, il faut savoir une chose, lorsque c'est dans une mosquée, sachez que derrière l'imam, on met les gens qui connaissent le mieux le Coran et les règles de la prière. il n'y a pas de mal. Certains, alhamdoulilah, tu trouves, c'est un frère, il est débutant, il ne connaît même pas l'arabe, mais il est au premier rang derrière lui-même. Il n'y a pas de mal à le changer de place. Bien sûr, avec la hikmah, avec sagesse, afin de ne pas lui blesser le cœur. Tu dois toujours faire attention au cœur de ton frère, quelle que soit la situation. Jusqu'à même, il disait, Charlotte, si ton frère, il a acheté une montre, par exemple, là, j'invente, hein, il a acheté une montre, il a acheté quelque chose, et toi, tu te dis, ah, regarde, mashallah, j'ai acheté une montre et tout, alhamdoulilah, mashallah, comment tu la trouves? Toi, tu dis, combien tu as payé? J'ai payé 100 euros. Oh là là là, khouya. Tu t'es fait arnaquer à côté 30 euros là-bas, miskin. Tu dis rien du tout. Tu fais attention au cœur de ton frère. Tu lui dis, mashallah, allez, barfi. C'est tout. Et ça se trouve, lui, il a fait le sikhara, en plus. S'il a fait sikhara, c'est un bien pour lui. Si c'était un mal, il a été sincère, il n'aurait pas eu cette chose-là. Il vaut mieux avoir une chose avec le baraka qu'une chose sans baraka. Tu peux avoir quelque chose de mieux que moi, mais moi j'ai le baraka dans ma chose et toi tu n'as pas le baraka dans ta chose. Tu peux avoir un plat pour trois pour toi tout seul, moi je peux avoir une petite portion pour moi tout seul. Si moi j'ai le baraka dans ma nourriture et toi tu ne l'as pas, tu mangeras sans être rassasié tes trois parts. Moi avec le peu que je mangerai, je serai rassasié. Le prophète n'a-t-il pas mentionné dans le hadith? Et cela est connu même parmi les gens. Mais en vérité, c'est un hadith du prophète. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. Non. Surtout quand il va y avoir le ftour. Hein? Faut pas commencer, ta neuf, elle commence à... Oula, il va prendre la brique, là, c'est chaud, là. Hein? Il faut que je réserve le jus d'orange, là, parce que là, il va partir. C'est normal, c'est l'insane. L'insane, on est tous comme ça. Même il y en a, ils le montrent. Il y en a, ils parlent sans pitié. Est-ce que combien de temps que tu manges là? Il y en a, ils ne montrent rien. Mais ils n'en pensent pas moins. Et ils sont contents que c'est l'autre qui l'ait dit. Allez, la barre, heureusement, tu l'as arrêté. C'est la neuf. C'est comme ça, c'est la neuf. On est créé comme ça, ça. Bref. Et le meilleur rang, pour revenir au rang, le meilleur rang pour les femmes, c'est le dernier rang. Sauf s'il y a un rideau qui sépare, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de rideau, il n'y avait rien. Les femmes priaient derrière les hommes, et dès que le prophète disait « Salam alaykum wa rahmatullah », à peine il avait fini le deuxième salam, que les femmes se levaient et partaient, pour pas qu'il y ait le fitna. Aujourd'hui, on ne trouve pas ce genre de choses. En général, c'est un rideau ou bien une autre pièce, carrément. Donc dans ce cas-là, les mashayikhs disent que le meilleur rang pour la femme. Dans ce cas-là, c'est le premier rang. Pourquoi on dit le dernier rang? Ça, c'était à l'époque. Pourquoi? Parce que si elle est au dernier rang, les hommes ne peuvent pas la voir. Si elle est au premier rang, les hommes sont susceptibles de la voir. On peut y avoir le fitna. Alors que là, comme tout est fermé, il n'y a pas de problème là-dessus. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam, barakallahu li wa lakum.